Thank you. Thank you.

T'entends mon orgue? Vive. Ça sature? Ça sature, ça, non? Looking for a ring. When I was young. When I was young. C'est un peu aigu, mais bon. Vas-y, tu peux la rejouer? Beautiful, magical, and all the burning trees and the sea on it. Thank you. C'est bien, j'avais trouvé les paroles. Thank you. Impossible à jouer, j'ai trop de latence. Il est où l'instrument là-dedans? On va voir. Attends. Et je l'envoie quoi? Tu t'en vas? Il est parti. sentir là. Thank you.